réfléchis même moi. Puis dis-moi qu'on ça, viré pas ni ça. L'amour pas ni crédit, coupé pas tite à nous fini. Au pipi huit chantant, manquez pour nous vent. Sans même garder derrière, manquez pas tite en toute manière. Chantez mon les chanter, c'est pas mener la vie. Femme la balle tant de ça, femme la dis-moi l'amour. Depuis longtemps déjà, ou déjà seulement t'es comme ça. Si vous parlez comme moi, pas moi tout ça fait moi. Mon caille défend comme moi à l'étranger. Il nous vivait là, démarrer comme là. Mon dit madame à moi, mon capati fait chimé moi. Il dit moi comme ça, virez pas ni ça. Aïe l'amour pas ni crédit, ou pe pati ta nous fini. Au pipi huit chantant, manque point d'ouvant. Et sans même garder derrière, manque pati en toute manière. Oui, chantez moi les chanter, c'est pas mener la vie. Femme la parler tant ça, femme la dit moi l'amour fini. Chimène.